Les nuits de France Culture, la nuit rêvée de Didier Blonde. Rebonsoir Didier Blonde. Bonsoir Philippe Garbier. Alors en règle générale, Didier Blonde, on ne demande pas ici, en tout cas, l'âge ou l'adresse de ses invités. Je ne vous demanderai donc pas votre âge, encore que si les auditeurs ayant entendu la première partie de cette nuit rêvée, Didier Blonde ont compris, puisque en 1968, vous étiez trop jeune pour être réellement le figurant qui est le narrateur de votre dernier roman, publié chez Gallimard. Vous étiez trop jeune de 4 ans, dites-vous. Comme c'était en 68 et que le personnage a 20 ans, donc on en déduit que vous aviez 16 ans à peu près, quelque chose comme ça en 68. 14, 15, 15 ans. 15. Bon. On pourrait être vous, en février, 15. En février, d'accord. Alors, je vous demande pas non plus votre adresse, mais vous l'avez demandé, votre adresse, à des tas de personnes, des personnes ou des personnages, mais ce sont des personnages, mais enfin, comme avec vous, les personnages de la littérature sont aussi des personnages, le problème ne se pose plus. Vous avez publié un répertoire des domiciles parisiens de quelques personnages fictifs de la littérature, c'est aux éditions La Pionnière. Comment avez-vous effectué ces recherches? Vous avez relu des dizaines de milliers de pages de... Non. Non? Non, je ne les ai pas relus. J'ai l'esprit de l'escalier, vous savez. J'avais 14 ans en février. D'accord. De 68. À propos de ces adresses, depuis que je lis des romans, c'est-à-dire ça remonte à l'enfance, enfin que je suis, disons, au début de l'adolescence, j'ai toujours été intrigué par les adresses de ces personnages de romans. Chaque fois que j'en... Quand elles sont données. Enfin, il y a souvent... Oui, et puis il faut que ce soit à Paris, mais c'est vrai que Paris, qui est encore une fois mon univers, et que énormément de romans se passent à Paris, dans la littérature française au moins, mais pas seulement. Très souvent, mais pas toujours, vous avez raison, mais très souvent, il y a la rue, parfois le numéro précis, et parfois même un numéro de téléphone. Et donc, quand je lis des livres, depuis toujours, je coche, je note, je relève ces adresses. Ce qui fait que j'ai un carnet d'adresses des personnages de romans qui remontent à mon adolescence, que j'ai développé, enrichi par la suite, et que j'ai approfondi, développé, commenté, pour faire notamment ce livre. Mais c'est quelque chose qui m'arrête, moi, à chaque fois. C'est lié à une expérience originelle, on va dire. Et j'ai un souvenir très très précis, je le raconte dans un autre livre qui s'appelle Carnet d'adresse. Je lisais Le bouchon de cristal. Maurice Leblanc, avec les aventures d'Arsène Lupin. Arsène Lupin a été un de mes héros, un des héros de mon enfance et adolescence, il continue toujours de l'être. Et je lisais Le Bouchon de Cristal, je m'en souviens très très bien, il venait de paraître en livre de poche à ce moment-là, il paraissait successivement. Quand j'ai découvert, j'ai lu que l'une des adresses d'Arsène Lupin se trouvait dans ma propre rue, la rue de l'appartement familial où je vivais, à quelques numéros près, quoi. Quelques dizaines de mètres de là. Et j'ai toujours gardé ce souvenir. Ça m'a causé un trouble profond. Je me suis demandé... j'ai eu la conviction, la certitude, que Arsène Lupin était bien là, un personnage que je pouvais voir, qui habitait, que je fréquentais. C'est-à-dire que ça lui a donné une sorte d'authentification, cette adresse. Je connaissais cet immeuble, je pouvais même pas rêver, je veux dire, mais presque le voir, Arsène Lupin, l'entendre, me dire en tous les cas, si je le vois pas, il est là. Est-ce que c'est moi qui basculais dans l'imaginaire ou surtout, est-ce que c'est cet imaginaire romanesque qui ne prenait pas une réalité très très forte et qui a, je crois... m'a contaminé pour le restant de mes jours. Ça aurait pu être l'inverse, parce qu'en fait, quand on a un personnage, on ne donne pas une adresse précise, tout le monde peut l'imaginer près de chez lui ou loin de chez lui. C'est rare, hein. C'est rare. À Paris... On donne les adresses? Ah oui. Oui, au moins le quartier En tout cas, Arsène Lupin, et pour cause, il a 15, 20, 30 adresses. Oui. Évidemment, comme il a plusieurs personnalités, voilà. Plusieurs noms en tout cas. Change d'identité. Oui, oui. Et puis il y a des adresses à double sortie. Voilà, avec des double issues. Oui, Maurice Leblanc a beaucoup joué. Oui, il a des femmes, des histoires d'amour, il a des domiciles multiples avec des panneaux coulissants, voilà, et différentes identités. Il a beaucoup d'adresses, oui. Comme Fantomas aussi, qui est un de mes héros, et qui en a des dizaines et des dizaines également. Oui, mais lui, c'est... Ah, vous étudiez aussi, oui, les personnages qui changent. Il y a un autre livre qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, mais qui... Sur les voleurs de visage. Les voleurs de visage, voilà. Alors, tous ces Arsène Lupin, Fantomas, il y en a d'autres. Rocambole aussi. Rocambole. Mmh. Rocambole, c'est le plus grand. Hein. C'est le personnage de Ponson du Terrail. C'est milieu du 19e siècle, l'époque du Second Empire. C'est le plus démesuré, le plus fou... Voilà, pendant plus de 20 ans, 30 ans, Ponson du Terrail a raconté en feuilleton, on appelait ça le rez-de-chaussée qui paraissait dans les journaux, c'est lié au feuilleton, il avait beaucoup de succès, ça a été, je pense, l'écrivain le plus célèbre de son temps. Victor Hugo le jalousait, avec peut-être Paul Féval, on ne se souvient plus de leur nom. Eugène Sue, c'est juste avant, hein, oui, mais Ponson du Terrail, il y a eu beaucoup plus de succès. Il a porté à son plus haut point, on pourrait dire, l'art du feuilleton. Il en a fait énormément, et notamment, il a créé ce personnage de Rocambole, qui cumule absolument toutes les caractéristiques du héros de roman populaire. Arsène Lupin et Fantomas, dont on parlait, sont ses héritiers au début du XXe siècle. Il a absolument tout fait, il savait tout. Mais il n'y a pas la rédemption chez Fantomas. Alors non, pas chez Fantomas. Non, il n'y a pas cette dimension. Oui, on change. Tandis qu'Arsène Lupin, lui, est bon depuis le début. Alors au début, il est cambriole, c'est pas de sa faute. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas un criminel. Il est gentleman aussi, cette personnalité double. Et puis c'est vrai qu'à l'approche de la guerre, il va devenir le défenseur également de la veuve et de l'orphelin. C'est quelqu'un qui est aussi très patriote. Non, il a un fond de conformisme, Arsène Lupin. Non, Rocambole, oui, vous avez raison. Au début, c'est un criminel abominable. Hein, et il va... subir l'épreuve du bagne, et en sortant du bagne, il va se métamorphoser totalement et devenir un justicier. Alors, Rocambole, on le retrouvera dans Héros du roman noir français, une émission de Noël Simselot qui recevait Didier Denax en 1991, réalisation Dominique Costa, pour parler donc de votre Rocambole, Didier Blonde. Pour revenir aux adresses donc de personnages fictifs, je voudrais vous demander des adresses de personnages non fictifs. Vous avez celle de Musidora, vous avez celle de J.B. Pontalis, de l'inconnu de la Seine. Ça ne veut pas dire grand-chose pour l'inconnu de la Seine, son adresse. Si, c'était la Seine. Morgue de l'époque. Oui, c'est vrai. Votre dernier domicile connu, maintenant ça s'appelle... Le centre médico-légal, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez l'adresse de Frotte-Mouillard, de Potard, de Misting, de Langluet? Non, mais parce que ils ont pas d'adresse. Ce sont des personnages de théâtre, c'est plus rare. Quoique chez Labiche, il y en a certains qui ont une adresse. Ouais. Bah déjà, le titre de la pièce que l'on va entendre grâce à vous, c'est l'affaire de la rue de l'Oursine. Rue de l'Oursine. Alors, il y en a un autre qui s'appelle le mystère de la rue Rousselet. Enfin, mais il n'y a pas le numéro exact. Dans certaines de ces pièces, il y a ça. Hein, il y en a. Non, pour eux, mais vous l'avez dit, rue de l'Oursine, rue Rousselet, voilà. Mais la rue de l'Oursine a existé. Elle n'existe plus, mais elle a existé. Oui, oui. Je ne sais pas si elle existait du temps de la. Mais la plupart du temps, les adresses sont authentiques. Oui, il n'y a pas de raison qu'ils prennent une rue n'ayant plus... Pignon sur rue, si j'ose dire. En tout cas, c'est intéressant de se dire que dans cette nuit rêvée, Didier Blonde, alors il y a Musidora, J.B. Pontalis, il y a l'inconnu de la Seine, il y a le méchant Rocambole, mais il y a aussi une comédie qu'on va entendre dans 20 minutes. De la biche, voilà, justement, la biche, écoutez, j'ai une admiration aussi sans borne pour la biche. Je fais partie de ces personnages. Comme Ponson du Terrail dans le roman, hein, exactement à la même époque, sous le Second Empire, qui a écrit plus de 170 pièces, alors lui en collaboration, pour beaucoup, mais ça se faisait souvent à l'époque, et qui est le maître de la comédie du vaudeville, qui a longtemps été méprisé, regardé avec beaucoup de condescendance par... public lettré et les metteurs en scène sérieux. Mais ça a changé depuis maintenant quelques décennies. Il y a de grands metteurs en scène qui ont décidé de s'attaquer à lui. Mesguich, par exemple. Et Patrice Chéreau avait commencé avec l'affaire d'Aude Lourcine. Oui, il disait du mal, hein. Il disait que c'était pas un très bon texte. Mais... Oui, et ben, écoutez, je pense pas la même chose du tout. Je trouve, évidemment, c'est pas Racine, ça c'est sûr. C'est pas Claudel et tout ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ce n'est pas Feydeau non plus. C'est pas Feydeau non plus, non. La Biche, Feydeau aussi, c'est un génie, hein. Ah oui. Mais qui est un héritier de. Feydeau était vraiment un héritier de la Biche. Je pense que Feydeau n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la Biche juste avant. C'est un. D'abord, c'est drôle, évidemment, et donc, c'est fait aussi pour rire. On n'est pas là uniquement pour fréquenter les cimetières. Et puis, c'est très écrit. Très, très écrit. C'est bourré de jeux de mots désopilants, hein, de formules. Il y en a qui font partie d'anthologies. Hein. C'est pas pour me vanter, mais il fait très chaud aujourd'hui. Vous en connaissez, il y en a des qui sont extraordinaires. Les titres de ces pièces aussi sont fabuleux. La dame aux jambes d'azur... Mademoiselle, votre femme. Enfin bon, il y en a quantité. Ça frise l'absurde, ce que poussera encore Feydeau. Il y a un côté même presque surréaliste avant la lettre dans ces comédies, qui sont emportées par une sorte de tourbillon absolument incroyable. Et vous avez étudié ces textes. Vous êtes professeur. Vous avez été professeur. Oui, donc je viens d'arrêter, mais là c'est très très récent. j'ai été professeur pendant toute ma carrière, mais je m'occupais notamment aussi de ce qu'on appelle l'option théâtre dans le lycée où je travaillais. Et donc pendant 15 ans, j'ai fait travailler des élèves sur des projets que je montais chaque année. Et c'est vrai que je n'ai choisi souvent de m'intéresser à des auteurs français ou étrangers qu'on n'étudie pas habituellement dans le cadre des cours à l'intérieur des classes, et notamment de la Biche. On a passé toute une année sur la Biche, une autre année après sur Feydeau, et enfin sur Courtenine, pour prendre ces trois grands noms du théâtre de boulevard, ce qu'on appelle le théâtre de boulevard. Eh bien, je peux vous dire qu'en regardant de près le théâtre de la Biche, on s'aperçoit que c'est hyper travaillé, il connaît toutes les ficelles du théâtre, c'est absolument formidable. Les élèves c'était réjouis, parce qu'il y a beaucoup à jouer, c'est aussi très physique, et ça bouge énormément, donc il y a une très très riche matière. Mais les élèves de... c'était un lycée ? Lycée Racine. Les lycées Racine, les lycéennes et les lycéens qui avaient Didier Blonde jusqu'à il y a très peu de temps comme professeur de français, lisaient les romans et essais de Didier Blonde ? Alors écoutez, j'ai toujours séparé les choses. Vous ne leur donniez pas à étudier, j'imagine. Non, début je d'année. Ne leur en parlais pas. Oui. Bon, c'est toujours un petit peu délicat à l'intérieur. Si je leur en parle pas... J'ai l'impression peut-être que alors je me prends pour je sais pas quoi. Si je leur en parle, ça fait un peu, je sais pas, démagogique. Donc je ne leur en parlais pas, mais c'est vrai qu'assez vite, ils découvraient par eux-mêmes que j'étais l'auteur d'un certain nombre de livres qui se sont enrichis au fur et à mesure des années. Et donc c'est pas moi qui leur en parlais, mais c'est eux parfois, et toujours en dehors du cours, à la fin du cours, au café... Parfois, à côté du lycée, on en parlait. Ils aimaient ? Comment pouvaient-ils faire autrement ? Sinon, ils ne m'en parleraient pas. Mais ceux qui m'en parlaient, en tous les cas, oui. Je pense qu'il y en a certains qui ne pouvaient pas s'adresser directement à eux, mais oui. Non, je dois dire que ça leur plaisait bien d'avoir un professeur qui était en même temps... écrivain. Mmh. Et si vous faisiez étudier Baudelaire, en passant, vous leur disiez, tiens, il y a un très bon livre sur Baudelaire. Non, quand même pas. Mais ils le découvraient, là aussi. Ils découvraient. Je les poussais à lire davantage les auteurs, disons, du programme, et notamment Baudelaire, que j'avais découvert à leur âge. Moi, j'avais appris les Fleurs du Mal en classe de seconde, je me souviens par cœur. Alors, quand on revient à votre dernier roman, Le Figurant, Didier Blonde, donc vous nous avez appris, voilà, on peut comprendre que c'est un roman d'ailleurs, donc c'est pas les dates ne correspondent pas pour si éventuellement le narrateur pourrait être Didier Blonde. Non, l'âge, voilà, ça marche pas, mais peu importe. Vous allez donc être, vous allez rencontrer presque par hasard, enfin par hasard, François Truffaut. Mais alors, il vous prend dans ses bras simplement pour vous empêcher d'entrer dans le champ parce que oui. Peut-être que Léo est en train de passer. Oui. À ce moment-là, qu'en effet, c'est pas, faut pas interrompre un tournage ou être se décider figurant comme ça, non volontairement, ça ne se fait pas. Est-ce que vous allez ensuite le rencontrer? Non, je l'ai jamais rencontré. Non. Alors, vous le rencontrerez cette nuit grâce à une émission de Pierre Girard et Richard Rhin, qui a été diffusée en 1974, Clap sur François Truffaut. Mais j'imagine que vous avez passé votre temps, pas simplement dans les cimetières ou dans les rues, à regarder les plaques et à lire des romans du 19e siècle ou du début du 20e. Vous avez aussi passé votre temps dans les salles de cinéma. Oui. Et dans les livres qui racontent un cinéaste. Oui. Oui, oui, enfin, bien sûr. Enfin, j'ai énormément d'admiration pour Truffaut et ses films. D'ailleurs, il est enterré au cimetière Montmartre, à côté de Ponson du Terrail, pas loin. Il y a une scène dans Le Figurant, cimetière Montmartre, dans les cimetières. Oui, mais la scène n'est pas tournée là. Non, mais elle était prévue. Elle a été prévue, comme en témoigne le tableau de service du jour. Parce que Truffaut, oui, j'ai énormément d'admiration, de passion pour ses films. D'abord, je suis simple spectateur. J'adore tous ses films. Je veux dire, il n'y a rien. Donc, c'est un amour, quelqu'un qui est d'une générosité extrême. C'est un amoureux du cinéma, on le sent, un amoureux de ses acteurs. Il les aime énormément, de ses actrices également. Sur le tournage du Figurant, il est tombé amoureux de Claude Jade, qui était la toute jeune actrice, qui avait 18 ans, c'était son tout premier film. Et c'est aussi un des intérêts du livre, c'est pour ça que je l'avais choisi, il l'a demandé en mariage. Ils avaient fixé la date du mariage, ils avaient choisi les témoins. Truffaut avait rencontré les parents de Claude Jade. Et au dernier moment, il a dit non, il faut arrêter. Donc il s'est retiré et elle en a gardé beaucoup d'amertume. Dans les souvenirs qu'elle a publiés plus tard, qui s'appelle Baiser envolé, elle revient sur cette période et elle dit qu'elle ne s'en est jamais véritablement remise à ce moment-là. Donc, bref, Truffaut, c'est quelqu'un qui est d'une très grande générosité. Il aime passionnément le cinéma, ses acteurs. Il a d'ailleurs été acteur lui-même dans plusieurs de ses films. Il joue Docteur Itard dans L'Enfant Sauvage. Dans L'Enfant Sauvage. Le réalisateur Ferrand dans La Nuit Américaine. Dans La Nuit Américaine. Dont il est beaucoup question dans cette émission, puisqu'elle date de 1974. Il y a Suzanne Schiffman, Jean-François Stévenin, qui était son assistant et qui joue aussi, je crois, dans le film. Oui. Et Claude de Givray, et puis Jean-Pierre Léo, on entend un petit peu. Et Bernard Ménez, Nathalie Baye aussi, qui sont dans cette émission et qui parlent de Truffaut. Alors donc, vous ne l'avez pas rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai vu tous ses films, vus, revus, que j'aime. Énormément. La Chambre verte, j'imagine, c'est un alors film voilà, qui doit vous plaire. Oui, beaucoup, vous avez deviné. Oui, c'est un des films qui est souvent est laissé un petit peu de côté par même les amateurs de Truffaut. J'ai l'impression que c'est sa chambre un peu secrète. Cette Chambre verte que j'aime beaucoup, qui raconte l'histoire de cet homme où il joue le rôle de ce journaliste là, Daven, Julien Daven, qui lui entretient le souvenir de sa femme morte et de tous ses amis disparus, de tous les disparus dans une chapelle qui est consacrée à ça, cet hôtel des morts, c'est tiré d'une nouvelle de Henry James. C'est un aspect de Truffaut souvent qu'on néglige un petit peu. Il y a cette forme, oui, de mélancolie et d'attachement beaucoup aux disparus, aux morts, en lui également. Il y a cette dimension assez grave, alors que beaucoup de ses films sont baisés volés, apparemment plus légers. Il y a cette dimension très très secrète, je le trouve pathétique dans ce film. On va aussi pouvoir suivre un grand angle que François Angelier avait consacré en 1994 dans une réalisation de Brigitte Léo au figurant, en somme, le physique de l'emploi ou être figurant. Alors là, c'est une émission d'une heure, mais pour varier, parce que il est question beaucoup d'une figuration cinématographique avec vous, Didier Blonde. En tout cas, il en est question dans votre roman, Le Figurant. Donc là, c'est surtout des figurants au théâtre ou à l'opéra. Et ça change quand même beaucoup. Avez-vous été figurant sur scène? Parce que là, c'est le spectacle vivant. Il ne faut, faut pas être mauvais le jour de la représentation. Oui, enfin, il y a toujours ces hallebardiers qui en fond de scène. Oui, on ne remarque pas. Généralement, on regarde plutôt la chanteuse ou le chanteur. Oui, mais... oui non, je pense que c'est assez différent. Oui, un beau titre, le physique de l'emploi, être figurant. Bien sûr, alors non, j'ai jamais été figurant au théâtre, simple figurant. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir non plus tellement de différence. Je pense que la palette est beaucoup plus large au cinéma. Il y a toutes ces catégories possibles de figuration au cinéma. Et puis, personnages clés, hein, je dis moi, qui me fascinent. Ces personnages qui passent en arrière-plan comme ça, qui sont essentiels, qui sont là. Et qui doivent, alors je pense encore plus qu'au théâtre, qui doivent rester invisibles. C'est le paradoxe. Il faut être là, ils sont présents. D'ailleurs, s'ils ne sont pas là, dans un film, on s'en rend compte. Et s'ils attirent trop l'attention, on s'en rend compte aussi. La mauvaise direction de figurant, ça se voit et ça risque de causer beaucoup de tort à des scènes, à un film. Donc, mais un écrivain a les mêmes soucis. Alors, faut pas attirer l'attention, faut pas surligner ou souligner les effets. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une figure, le figurant, c'est le cas de le dire, à laquelle je m'identifie bien et qui est un peu peut-être métaphorique, pas seulement, ce n'est pas de la philosophie. Une image de ce que nous sommes sur Terre, de simples passants, de simples figurants, qui deviennent anonymes, mais une image de ce qu'est le travail de l'écrivain pour moi, cette espèce d'écriture, disons, un peu en retrait, en mineur, sans que le mot soit péjoratif du tout. Mes personnages, au fond, je n'ai qu'à les regarder, je les vois, je ne les invente pas, je déforme, hein, plus que... forme la réalité, mais je me sers d'eux. Ce sont des personnages souvent, disons, quotidiens, ordinaires. Rien de plus, je trouve, romanesque que les simples passants qu'on voit dans la rue, ou ces figures comme ça qui apparaissent, disparaissent, apparition, disparition. Je trouve que c'est très fascinant pour l'imaginaire. Donc, cette position un petit peu en retrait, j'aime beaucoup les cafés. On peut observer comme ça les autres consommateurs ou les gens qui en terrasse, qui vont, qui viennent. Au fond, je rêverais d'un livre dans lequel je n'aurais qu'à monter, coller. Les termes sont empruntés au langage cinématographique. Que ces scènes vues presque comme un documentaire. Il s'agissait d'un documentaire. Oui. Encore que on sait bien le travail qu'il faut pour un documentaire. C'est pas. Il y a un travail de cadrage, de montage très très important aussi, mais. En tous les cas, c'est une sorte d'idéal, d'exemple, de modèle à adapter, bien sûr, dans une écriture très très simple, proche du procès-verbal, que je trouve très suggestif pour l'imagination. Je suis en dehors des effets. Et le romanesque, je trouve, il n'est pas dans... c'est ça que je veux entendre en écriture mineure. Je n'aime pas tellement les romans à gros effets, on va dire, romanesques. La réalité est pleine de romanesque. Et il y a simplement à y être sensible, et j'essaye de l'introduire à l'intérieur de mes livres. Vous y réussissez, Didier Blonde. On a parlé tout à l'heure, enfin en début d'émission, de Nuit rêvée, de votre Nuit rêvée, du répertoire des domiciles parisiens de quelques personnages fictifs de la littérature. Il y en a combien de ces personnages? Je n'ai pas compté de personnages. De, 100, près de, oh, plus que ça, 300, près de 300. Mm-hmm. Oui, près de 300. J'ai cherché Madame Pipelet. Des mystères de Paris. Oui, si. Elle y est. Ah oui. Oui, oui. Il faut que vous cherchiez. Alors. Non, mais il faut que vous cherchiez par Eugène Sue avec le personnage de Rodolphe. Ah d'accord. Rodolphe, ah, oui, ouais. Qui est le personnage principal, et bien je sûr. Pense que je j'évoque Madame Pipelet. Bon, j'espère. Pour alors, vous, parce que c'est important. Parce que maintenant. Il y en a parfois que ma mémoire me joue des tours, mais vous cherchez à Rodolphe de Gerolstein, qui est le personnage principal. Hein, le père de... Qui est celui qui est, comme c'est souvent le cas dans les romans populaires de l'époque, un noble qui s'est fait passer pour un homme de la rue. Et... Oui. Voilà. Donc, regardez à Rodolphe de Gerolstein. Je ne le... Écoutez, on va... les auditeurs iront mais voir. J'étais, mais si, j'étais un lecteur assidu des... Voilà. Rodolphe de Dornstein. Oui, ça a l'air. Voilà, 17 rue du Temple, voilà, il a une chambre et c'est la concierge, Madame Pipelet. Ah, voilà. J'avais cherché à Pipelet. Vous voyez. Parce que je devrais faire un renvoi. Faire une entrée à Pipelet et renvoyer. Et si vous deviez choisir, Didier Blonde, quelques adresses alors parisiennes, puisqu'on est dans Paris avec ces personnages-là, pour tourner un documentaire, justement, pour vous asseoir à une terrasse, ce serait où ? Il faudrait des arrondissements ou des quartiers variés pour qu'il y ait une sociologie différente. Et... Alors, pour chercher le mystère, peut-être, ces personnages que vous aimez. Comme ça, moi, je fréquente beaucoup les cafés. Non, je prends le premier qui me vient à l'esprit, comme ça, c'est pas très loin de chez moi. J'en parle un petit peu, d'ailleurs, dans le figurant, sur la place Clichy. Il y a la brasserie café Levéplaire, hein, qui est ancienne, qui a été fréquentée par beaucoup de monde, des écrivains... illustre. C'est là que se passe la toute première scène de Voyage au bout de la nuit de Céline, assise à la terrasse. La place Clichy est à cheval sur quatre arrondissements, je crois que ce qui est assez rare. Je ne sais pas s'il y a sans doute d'autres, avec des physionomies différentes. Elle fonctionne 24 heures sur 24. Il y a des personnages de romans, des personnages authentiques qui ont vécu là, et on voit des scènes ont été tournées de films, une scène des 400 coups par exemple, et de baisers volés, ils passent aussi devant. Donc, entre les personnages de romans, ma propre vie, les personnes réelles que l'on voit, le Paris qui a un tout petit peu changé avec les boutiques, je trouve que c'est un microcosme qui est d'une richesse romanesque extraordinaire et qui permet de faire apparaître quantité de fantômes. Alors on a compris quel était le centre du monde, c'est donc ces quartiers-là, Didier Blonde, mais est-ce que vous aventurez dans des arrondissements très très très lointains, tels les 13e, 14e, 15e, etc. Alors, oui, vous savez, en banlieue, qui sait. Alors la banlieue, ça c'est quand même, vous me demandez beaucoup. Là. Vous me demandez pourquoi beaucoup. Non, c'est pas du tout par mépris, mais du tout. À ce point, vous ne pouvez pas sortir, dépasser le périphérique. J'ai l'impression qu'il me faudrait un visa pour sortir, ou bien que je vais attraper, je sais pas. Nestor Burma, chez Léo Mallet, est bien plus aventureux que vous. Il va en banlieue. Très exceptionnel. Ah, ça lui arrive. Les nouveaux mystères de Paris, et quand même. Paris, c'est mais vrai, les autres. Oui, non, mais ça m'arrive aussi. Je vais même en région, comme on dit, ou même à l'étranger. Vous savez, je préfère souvent la fréquentation des grandes villes. Mais c'est vrai que Paris, moi, je m'y sens très, c'est un Paris très mental bien. Inventé, évidemment. Il y a plusieurs choses. Non. Je suis très, très heureux ici et maintenant. Moi, je suis, bien sûr, j'ai de la nostalgie pour certaines choses, mais je ne regrette pas avant, du tout. Je devrais choisir, je revivrai, mais ici, maintenant. Un gros avantage, ça permet de regarder en arrière et de convoquer tous ces personnages, toute cette histoire que je fais revenir maintenant. Pour moi, les différentes époques vraiment se confondent. Donc Paris est peuplé de centaines de personnages. Je connais plus particulièrement certains quartiers, c'est vrai, mais je me déplace essentiellement à pied. Donc je traverse Paris à pied. C'est la meilleure façon de regarder, de voir et de rêver. Et puis, à la faveur de ce dictionnaire, de ce répertoire, où il y a près de 300 personnages, mais on peut multiplier par 3 les adresses, je suis toujours allé vérifier sur place. Je veux voir ce que c'est, parce qu'on fait des découvertes extraordinaires. Là, il y a une dimension dans l'adresse, le numéro, de romanesque extraordinaire que le lecteur pressé ne voit pas. Donc moi je m'arrête et je vais voir. C'est comme si l'auteur m'invitait à aller voir sur place. On fait des découvertes extraordinaires. Donc je suis allé partout. Donc j'ai fréquenté à peu près tous les quartiers. Vous remarquerez qu'il y a un seul arrondissement et sans aucune adresse. Il n'y en a qu'un. Et depuis, parce que j'ai fait des suppléments à lequel, quel arrondissement ? C'est le 19e. J'ai trouvé une seule adresse depuis, Donc, dans la prochaine édition, il y aura Lucien une Leven. Adresse dans... Non, Lucien Leven, c'est le 20e. Lucien... non, je vais confondre. Ça doit être le 20e. Oui, hein. Oui. Alors, c'est une des rares... Alors, pourquoi le 19e n'a pas de personnage, d'adresse? Ah, ben, c'est vrai, il faudrait demander aux écrivains qui ont fréquenté le quartier. Hein. C'est Jacques Reda qui a fait vivre un de ses personnages. Mais c'est très récent. Un beau quartier, pourtant, c'est un bel arrondissement. Oui, mais très curieux. Hein. Donc, il y a une disparité très grande hein, entre les quartiers. Il y en a qui sont surchargés. Il y a des héros qui habitent dans la même rue, sans le savoir. Hein. Et puis, parfois, presque au même numéro. Donc, ça, c'est formidable. Mais Maigret doit être le seul à habiter boulevard Richard Lenoir. Il n'y a pas d'autre. Personne n'a osé créer un personnage qui habiterait dans le loin de Maigret. J'en ai pas d'autre. Hein. Donc, j'ai fait des index à la fin. Donc, en consultant l'index, vous pouvez savoir si vous habitez, vous, la même rue qu'un de ces personnages illustres. Oui, c'est utile, Didier Blonde. Alors, je voudrais vous poser une question, mais peut-être devrais-je la poser dans une quarantaine d'années plutôt, ou voire 50 ans. Alors, ça, peut-être que je ne serai pas là, peut-être que vous ne serez pas là non plus, Didier Blonde, mais qui va écrire, alors ça on ne sait pas, mais sur quel comédien ou sur quelle comédienne ou sur quel personnage de 2018 écrira le Didier Blonde de 2060 ou 2070 ou... Voilà. Question piège, je ne sais pas. Mais qui mérite en 2018 d'être... Vous avez compris que moi, j'ai... Oui, mais ce qui m'intéressait, c'est que précisément, vous les citiez, Suzanne Grandet, Buty Dora, c'est un peu différent, mais c'est parce qu'on ne les connaît plus maintenant. Mais donc, vous pensez bien que les célébrités d'aujourd'hui, personne ne les connaîtra dans 50 ans. Il faut le savoir. Oui. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont traverser quand même le temps. Et puis, est-ce que le cinéma existera toujours en 50 ans? C'est pas... Alors, raison de plus, raison de plus. Pas sûr du tout. Qui maintenant? Alors, écoutez... Parce qu'il faut savoir peu de choses, suffisamment. D'ailleurs, poser la question sur les générations qui précèdent, moi j'ai énormément aimé, j'étais fasciné par Audrey Hepburn. Mais bon, Audrey Hepburn, c'est déjà fini. J'aurais beaucoup aimé. Quel personnage, comédien, acteur, comédienne, femme ou homme politique, je ne sais qui, écrivain, écrivaine. Sans originalité, j'aime énormément Isabelle Huppert, par exemple. Mais enfin bon, il y aura qu'à aller dans les archives, on aura des montagnes déjà de renseignements. Il y a trop d'informations aujourd'hui pour qu'un Didier Blonde en 2060 s'intéresse à ces personnages. Non, mais je pense que... Il n'y a pas assez de fantômes aujourd'hui. Si, mais ce sont précisément des figurants, au contraire, il y en a de plus en plus. Et donc, il faudrait simplement... qu'un écrivain fasse peut-être comme moi, à la faveur d'un film, s'intéresse tout à coup à un figurant qui revient de film en film, comme ça. J'en ai rencontré, tenez, voilà, ça y est, ça me fait penser à ça. Pour écrire le livre, j'avais des souvenirs, moi, des années 70, j'ai été figurant, mais c'était des conditions très, très particulières, hein, beaucoup plus libres, on va dire, telles que je le rapporte. Maintenant, c'est une profession qui est très très encadré, j'ai rencontré des figurants âgés maintenant. Je suis tombé sur des gens, notamment un ou deux, j'en ai rencontré plus que ça, extraordinaires, exceptionnels, et qui tournent énormément, qui ont tourné dans beaucoup de séries, dans des films, dans des publicités, qui ont posé. Donc je ne donnerai pas, notamment je pense à un, son nom, qui est dans le roman. Qui est dans le roman. Enfin, il y a des éléments. Hein, sous un autre nom. Voilà. Et puis, c'est des éléments. C'est toujours composite, un personnage de roman. Voilà quelqu'un qui est donc, on va dire, en tant que figurant, n'est jamais crédité au générique, qui est totalement anonyme, que je trouve absolument fascinant. Et vous me donnez l'idée qui pourrait être vraiment l'objet, mais sans attendre 50 ans, d'un roman. Ou d'une émission. Ou d'une émission. Parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il y en a d'autres. Vous savez, des figurants, figuration, on parlait de silhouettes parlantes, petits rôles, etc. Mais il y en a beaucoup qui ne sont que des morceaux de corps, des fragments de corps, et notamment des mains. C'est très fréquent de voir des scènes uniquement avec les mains. Un maître d'hôtel qui découpe une viande. Voilà, oui, et puis... Une pianiste. Des pianistes, beaucoup. Alors, il y a parfois quelques acteurs, actrices qui jouent du piano, on le voit, on en profite, mais bon, très souvent, ce sont... Et puis, il y en a qui n'ont pas de très belles mains, uniquement. J'ai rencontré une figurante qui dit « J'ai été les mains d'une telle, une telle, une telle. » Je ne donnerai pas les noms. Ou pour distribuer des cartes, ou écrire aussi des lettres, des choses comme ça. Pour les scènes de nus, aussi. Une scène très célèbre, Psychose, d'Hitchcock, avec... le crime dans la douche. C'est uniquement la tête de l'actrice que l'on voit. Toutes les scènes du corps dénudé, c'est une doublure, hein, on en a parlé après. Et j'ai rencontré une de ces figurantes-là, qui j'ai souvent noué des relations, on va dire, très très amicales, formidables, qui ont lu le livre après, qui ont été très très heureux de voir la façon dont je parlais de ces personnages dont on ne parle pas. Et qui avait été notamment figurante sur un film uniquement avec sa photographie. On lui avait fait signer un contrat, parce que c'est des contrats, hein, où le figurant s'engage à ne rien dire de ce qu'il verra sur le tournage, etc. Uniquement en lui demandant d'apporter une photographie, mais pas d'enfant, hein, une photographie actuelle. Voilà, donc on voit une fraction de seconde, une photographie de quelqu'un qui est figurant. Ce sont des corps émiettés, c'est fascinant comme personnage et comme métier. Donc ce personnage auquel je pensais, voilà quelqu'un. Oui, ça ferait une très belle émission de radio et ça serait un formidable livre. Hein. C'est un personnage romanesque, protéiforme et toujours anonyme. Les mains, les... Voilà. La nuque. J'étais frappé de voir que... moi j'aurais pu écrire vraiment un ouvrage purement documentaire sur les figurants. En préparant le livre, il n'existe pas d'ouvrage vraiment intéressant sur cette activité, sur ce métier, ce qui est un métier formidable. J'ai utilisé beaucoup de choses pour les faire vivre, des petits détails, mais j'assure que j'ai des provisions et des dossiers entiers n'ai pas exploité. Sans que ce soit jamais, dans l'amertume et dans le... Si, il y en a beaucoup qui sont... Oui, mais... Beaucoup. Enfin, beaucoup. Pas dans votre roman, il n'y a pas de moquerie du tout. Non, j'ai pas voulu, ça. Non, du tout. Il y en a, mais d'autres, celui dont je parle, par exemple, est très heureux de rester, justement, en retrait. Il permet de se mêler à tout cela, de participer à cette vie, il fait plein de choses, sans être exposé de la même façon. Hein. Et qui travaille tout, presque 3 jours par semaine. Et qui a eu d'autres activités. Maintenant, il est très, très âgé, donc il a pris sa retraite, mais qui avait une activité professionnelle et très importante, hein, qui était en même temps professeur, qui a fait plusieurs choses, et qui a des dons extraordinaires. Vous, physique, ouais. Physique, intellectuel, polyglotte... personnalité stupéfiante. Alors vous avez écrit un roman qui s'appelle Le Figurant. Il y a donc dans cette nuit rêvée, on entendra le documentaire radiophonique dans le Grand Angle sur le physique de l'emploi ou être figurant par François Angelier qui a su les faire parler aussi. Et puis, enfin voilà, il y a du cinéma, il y a Rocambole, il y a François Truffaut, il y a du La Biche bientôt. Quels sont les autres personnages que vous auriez aimé voir dans cette nuit ou passer fantomatiquement, fugitivement, Didier Blonde? Quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez parlé d'alors de Courteline, bon, on a la biche, de Modiano, de Marin Marais, tout ça. Enfin, bon, vous avez, oui, oui. Je parlais de vous en disant que vous aviez vous étiez un homme d'obsession, de curiosité multiple, donc il y aurait de quoi faire de partir plusieurs nuits. Oui, mais je suis très éclectique, j'ai une ouverture de compas dans les goûts très, très grande. Hein. Oui, j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait de la musique, des musiciens. J'ai une passion pour la musique de la Renaissance, la musique baroque. Donc, je vais parler, par exemple, de Marin Marais, mais il pourrait y en avoir d'autres, beaucoup de musiciens de la Renaissance. Ça m'aurait beaucoup plu, ça, par exemple. Ou la peinture. Pendant quelques années, après l'adolescence, j'ai fait de la peinture. J'ai pensé un moment aussi, j'ai fait beaucoup de photographies pendant pas mal d'années, j'ai fait des expositions. On a entendu dans la première partie de cet entretien la musique de Belphégor, là on va entendre la musique de Baiser volé qui est du même compositeur, Antoine Duhamel.